Léonce Bitariho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. La CNIDH, Commission nationale indépendante des droits de l'homme, propose l'imposition des travaux d'intérêt général aux prisonniers en vue de désengorger les prisons. On fait le point dans cette édition. En province de Ngozi, au nord, les habitants sont appelés à observer de l'hygiène corporelle et de ménage. Les citoyens sales risquent de ne pas être accueillis en audience par l'administration d'ici 3 mois. Des motards de la mairie de Bujumbura n'ont pas bien accueilli la récente mesure leur obligeant le port de nouveaux gilets. Ils sont vendus à un prix élevé, disait-il, et non consensuel. Dans la chronique Esport de ce lundi, le coach de gym tonique Eric Manilakiza nous renseigne qu'une femme enceinte peut faire le sport depuis 4 mois de grossesse jusque vers les derniers jours tendant à l'accouchement. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Nos excuses d'abord pour ce petit retard. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, trouve que parmi les mesures qui pourraient contribuer au désengorgement des prisons figure l'imposition des travaux d'intérêt général au lieu de procéder à l'emprisonnement. Quant aux prisonniers qui ont été graciés par le président de la République, mais qui croupissent toujours dans les différentes maisons de détention, Sixte Vignini Mulawa, président de la CNIDH, propose la mise en place d'autres procédures qui pourraient accompagner cette grâce présidentielle. Le point avec Aimé Richard Nyonguru. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, dans sa vocation de promotion des droits de l'homme en général et des prisonniers en particulier, prône pour les travaux d'intérêt général au lieu de procéder à l'emprisonnement, ce qui pourrait aussi désengorger les maisons de détention, selon Dr. Sixte Vignini Mulawa, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. La première chose à prendre, c'est pas de multiplier les prisons. Il faut d'abord explorer et voir si on a épuisé toutes les alternatives. Parce que je sais que si on est conscient qu'il y a un besoin urgent de diminuer le nombre de prisonniers, et je pense que chacun a un rôle à jouer pour contribuer à ce que les gens qui sont peut-être détenus arbitrairement soient libérés et que les gens qui sont des dossiers en cours soient vraiment vidés le plus vite possible. Ça, c'est la première chose. Autre chose, c'est que vous voyez que les prisons, ça coûte beaucoup plus cher pour le pays que de les laisser peut-être rentrer à la maison ou même qu'ils soient appelés pour les travaux d'intérêt général. Donc, il faut d'abord qu'on puisse voir si tous les moyens mis à la disposition des magistrats ou même des avocats sont totalement utilisés afin de déterminer si oui ou non on a besoin d'augmenter le nombre de prisons. Quant aux prisonniers qui devraient bénéficier de la grâce présidentielle mais qui croupissent toujours en prison, Dr. Nimulaba trouve nécessaire d'autres mécanismes qui pourraient accompagner cette grâce présidentielle pour que sa mise en application puisse être effective dans les meilleurs délais. Mais je pense que pour ceux qui ont eu cette grâce présidentielle, c'est une question d'abord à poser aux professionnels de la justice, parce que après que le président ait prononcé le discours de la grâce présidentielle, on a besoin qu'il y ait les procédures qui doivent être respectées. Donc, s'il n'y a pas cette décision, ça sera très difficile. Mais le commentaire, c'est qu'on puisse toujours prendre au sérieux les décisions qui peuvent contribuer à diminuer le nombre de prisonniers. Donc, pour nous, toute mesure qui pourrait venir pour diminuer le nombre de prisonniers, elle est la bienvenue, à condition que ça respecte la sécurité nationale. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, le dit après des inquiétudes sur les prisonniers qui croupissent toujours dans les prisons alors qu'ils devraient bénéficier de la grâce présidentielle par l'association Nabariza pour la promotion des droits des prisonniers et de leurs familles la semaine dernière. Merci Richard. Un jeune garçon de 10 ans habitant la colline Rutumo en commune et province de Lumonge est sur le lit d'hôpital depuis hier soir. Il a été attaqué par un hippopotame vers 17h de ce dimanche, selon Frédéric Singibakila, chef de colline Rutumo, qui précise que c'est suite au cri de secours de ses compagnons que cet enfant a survécu. Pour ce responsable collinaire, cet hippopotame qui a déjà tué 2 personnes, blessant 4 autres, devrait être abattu ou gardé dans un lieu clôturé car, dit-il, les habitants de Rutumo ne pourront pas abandonner la fréquentation du lac Tanganyika, leur lieu d'approvisionnement en eau. Chaque ménage de la commune de Marangara en province de Ngozi est obligé d'avoir une latrine adéquate d'ici 3 mois. La décision est de l'administrateur communal Gorete Nshimilimana qui veut répondre à l'appel lancé par le gouverneur provincial. Ce dernier a pris la décision d'amener la population à plus d'hygiène corporelle et dans les ménages. C'est dans cette perspective qu'Elibaranyikwa oblige l'administration dès la colline jusqu'au niveau provincial de ne plus accueillir en audience des gens sales. Ceux qui sont sales seront contraints de retourner chez eux pour se laver d'abord et laver aussi les habits. Le centre de lecture et d'animation culturelle, CLAC, de la commune Mutawa en province de Gitega, accuse un faible taux de fréquentation des lecteurs. Aster Ndaïkengurukié, le responsable du dit centre, confirme cette situation. Il appelle toutefois les élèves et les intellectuels de Mutawa à le fréquenter massivement. Certains de ceux qui s'y ressourcent réclament les ordinateurs et la connexion à Internet, ainsi que la diversification des livres. Le point avec Gérard Nibigira depuis Gitega. Le taux de fréquentation du centre de lecture et d'animation culturelle CLAC en sigle de la commune Mutaho par des lecteurs n'est pas satisfaisant, comme l'indique le responsable de ce centre, Aster Ndaïrukié. Comme d'habitude, les gens ne viennent pas nombreux ici dans ce centre, donc je veux vous dire qu'ils viennent peu nombreux. Entre autres causes, ils pensent que ça serait la nature des Burundais de ne pas s'intéresser à la lecture. Les réseaux sont nombreux, mais je pense que donc les gens d'aujourd'hui n'aiment pas lire. C'est ça les causes fondamentales que je peux dire qu'ils ne viennent pas nombreux. Ils demandent aux habitants de Mutaho d'aimer plutôt la lecture. Et ce que je demande aux habitants de Mutaho, c'est de faire le livre comme un ami, de fréquenter davantage ici au centre de lecture d'animation culturelle. Un lecteur rencontré au CLAC Mutaho réclame des livres de domaines variés dont l'entrepreneuriat, les ordinateurs et la connexion à Internet. Le service des livres d'entrepreneuriat, mais aussi l'accès à l'Internet, mais nous avons besoin aussi des machines, je dirais les ordinateurs, mais aussi avec l'accès à l'Internet pour faciliter ceux qui veulent chercher leurs solutions ou bien leurs recherches. Le centre de lecture et d'animation culturelle de Mutaho a ouvert ses portes en 2012 et de là jusqu'à maintenant, il n'a bénéficié d'aucun nouveau livre à part ceux disponibles à son ouverture. Depuis Gitega, Jeanne Bigila pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Les chômeurs ne devraient pas attendre d'être embauchés sans rien faire momentanément. À propos de certaines des filles qui ont terminé leurs études et qui exercent la vente de la monnaie électronique via Lumicash ou EcoCash dans la ville de Makamba au sud du pays. Les effectifs de ces filles et femmes vont augmentant. Elles veulent lutter contre le chômage, mais aussi rompre avec la tradition qui faisait que la fille ou femme s'occupait seulement des travaux ménagers. Et d'expliquer, Jérôme Akizimana, que ce travail leur permet de satisfaire à certains de leurs besoins. Chercher quoi faire en attendant d'être embauché, c'est l'une des meilleures choses que le chômeur puisse faire. Ses filles ont préféré, dans cette logique, exercer la vente de la monnaie électronique EcoCash Limicash dans la ville de Makamba. Les affirment que ça leur permet de satisfaire à certains de leurs besoins fondamentaux sans tendre la main à la personne tierce. Les agents de Limicash EcoCash s'élèvent à plus de 80 comptait uniquement à partir de l'entrée de la ville de Makamba par la route goudronnée qui continue vers la commune Kayogoro et les trois quarts de ces derniers sont des filles. Le taux de chômage élevé rompt avec une mentalité traditionnelle qui stipulait que la fille ou la femme s'occupe des travaux ménagers sont entre autres justifications de l'augmentation de ces agents comme elle-même l'explique. Leur venir en aide concernant l'augmentation du capital est l'une de leurs plaidoiries. Néanmoins, elle exhorte les autres de comprendre la plus-value de ne pas rester à la maison en tant qu'une fille en quête d'emploi, dont l'accès rapide à une nouvelle information. Selon Najib Ndouimana, un des super agents à Makamba, cette activité contribue au développement non seulement de l'agent, mais aussi du pays par le prélèvement automatique à chaque transaction effectuée par l'agent et le dédouanement des produits, dont les cartes SIM et autres. Concernant le soutien que la commune leur apporte, Siridine Agijimana, le conseiller de l'administrateur de la commune Makamba, chargé du développement, dit être prêt à se conformer à l'organisation nationale de l'État, car même ses compagnies de téléphonie mobile sont au niveau national. Jérôme Akizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. 13h09 à Bujumbura et sur Isanganiro. Le délai de 2 mois que le Conseil des ministres a récemment accordé à la Régie des eaux pour remplacer les compteurs classiques par des compteurs modernes de prépaiement est insuffisant. Ceci ressort d'une réunion tenue mercredi de la semaine dernière entre le personnel de cette société de distribution de l'eau et de l'électricité au Burundi. Suivez d'abord Prosper Narwamiye, le porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Payway Burundi et Itron Global Trading d'un côté et la Régie des eaux de l'autre côté ont convenu des avenants au contrat d'une durée de 9 mois avec effet rétroactif à la date d'expiration du contrat. Ces avenants ont pour but de donner aux parties un temps suffisant de négociation et de conclusion de nouveaux contrats conformes à la loi de juillet 2019 portant régime général des contrats partenariat public-privé. C'est pourquoi ces projets d'avenants sont proposés. Après échange et débat, ces avenants ont été acceptés. Néanmoins, le Conseil a rappelé que l'État a donné une mission à la Régie des eaux de vendre l'énergie et l'eau potable pour le compte de l'État. Les marchés accordés à ces deux sociétés constituent à cet effet une sous-traitance et cela montre que la Régie des eaux n'est pas en mesure de faire correctement son travail. Il a été en plus demandé à la Régie des eaux de montrer ce qu'elle produit, ce qu'elle vend et ce qu'elle gagne avant d'envisager la signature de nouveaux contrats et ce, dans un délai ne dépassant pas 2 mois. Dans ce même délai de 2 mois, la Régie des eaux doit avoir généralisé l'utilisation des compteurs à système moderne de prépaiement et pour l'électricité cash power et pour l'eau cash water pour éviter des vols. Il a enfin été demandé au ministre en charge de l'énergie de proposer des mesures globales et individuelles qui s'imposent pour redresser la Régie des eaux afin qu'elle accomplisse la mission qui lui a été confiée. Prosper Narwamiye, porte-parole et secrétaire général du gouvernement. À ce sujet, Mireille Kanyangé avec moi au studio. Vous revenez sur cette réunion entre le personnel de la Régie des eaux et le ministère de tutelle. Oui, Léonce, une semaine après ce Conseil des ministres tenu le 7 octobre courant, une réunion entre le personnel de la Régie des eaux et le ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines s'est tenue. C'était exactement lors d'une visite du Premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni. Eh bien, lors de cette réunion, le personnel a montré que le délai accordé est court vu le temps de fabrication des nouveaux compteurs. L'effectif des compteurs d'eau et d'électricité a remplacé dans tout le pays, des compteurs d'une durée de vie de moins de 7 ans, des compteurs chers sur le marché, coûtant entre 100 € et 200 €. C'est un argumentaire soutenu, semble-t-il, par la direction générale de cette société. De son côté, le ministre de l'Énergie et Mines, Ibrahim Ouizeye, a précisé lors de cette réunion que c'est un travail qui doit être fait pour éviter toute fraude au sein de cette société de distribution de l'eau et de l'électricité au Burundi. Merci Mireille. Certains motards de la mairie de Bujumbura n'ont pas bien accueilli la mesure de porter de nouveaux gilets récemment prises par leur association Amotabu. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro déplorent le prix élevé et non consensuel de ces gilets qui sont vendus, disent-ils, d'une façon informelle. Ils demandent qu'il y ait une réduction du coût, mais aussi des quittances. Lydie Gahimbare. Des motards rencontrés à la gare située tout près du marché communément appelé Kotebu disent que ces gilets sont chers par rapport à ceux qu'ils avaient avant, ajoutant qu'auparavant ces gilets coûtaient 10 000 francs bou, mais pour le moment le prix est de 21 000 francs bou. Ils ajoutent également que ces gilets sont vendus dans des endroits inconnus et qu'ils ne reçoivent pas des récits en échange. Ils demandent de revoir à la baisse du prix et que le paiement soit fait sur le compte de la mairie de Bujumbura ou de l'Aubert. Ces motards déplorent d'une mesure prise comme si prise car c'est le E. Il n'y avait pas de la mise en entente entre les motards et les dirigeants de l'association des Coamotabou. Ils disent également qu'ils ne voient pas l'importance d'être membre de l'association car selon certains disent que ces associations n'interviennent même pas dans le cas de maladie. Lydie Gahimbare pour réaction. Jadon Nzitunga, président et représentant légal de la coalition des motards du Burundi, Koa Motabu, explique que ces gilets sont vendus à tous les bureaux de la Koa Motabu et selon lui, le prix de 20 000 francs burundais par gilet ne devrait pas être discutable au moment où le prix était de 30 000 francs burundais ou plus, avant le port du gilet unique. Et suivez-le, traduit en français par Armel Moutore. Ces gilets ne se vendent pas du tout en cachette. Nous avons voulu les rendre disponibles dans tous les bureaux de la Koa Motabu en mairie de Bujumbura. Ceux qui ont gagné le marché de ces gilets sont présents du matin au soir dans ces bureaux et les motards qui s'y rendent pour l'achat de gilets y sont accueillis par ceux-ci. Pour ceux qui disent que ce gilet est cher, c'est faux parce qu'il coûte 20 000 francs bou alors qu'avant, ces gilets coûtaient 30 000 francs et plus et on exigeait qu'on prenne une paire. Le ministère du Transport nous a facilité pour que les charges sur le motard soient allégées. Pour les motards qui ont des réclamations, ils peuvent se rendre dans les bureaux Sizaki Gobe, à Kamenge ou au quartier d'Isangagara pour ceux de la commune Nahango. En commune Moura, ils peuvent se rendre au bureau de la Koa Motabu. Le port de ce nouveau gilet unique a été respecté en mairie de Bujumbura et dans la ville de Gitega. La mesure du port du casque protecteur est aussi suivie. Même la mauvaise habitude de transporter deux passagers sur une même moto est en train d'être progressivement abandonné. Et nous continuons la sensibilisation pour le bon déroulement de cette activité de transport de personnes. Radio Isanganiro, chronique sport. Chronique sport. Une femme enceinte peut faire le sport depuis 4 mois de grossesse jusqu'au dernier jour menant vers l'accouchement. C'est l'explication de l'expert dans le domaine de l'éducation physique, en même temps le coach de Gym Tonic, Eric Emmanuel Kiza, qui fait savoir qu'une femme enceinte qui pratique le sport peut avoir l'endurance pendant l'accouchement. Les détails, c'est dans cette chronique sportive avec Marie-Claire Cazenese. La natation, la marche et le gym tonic, ce sont les sortes de sports qu'une femme enceinte peut pratiquer depuis 4 mois de la grossesse jusqu'à la période d'accouchement. C'est l'explication d'Eric Emmanuel Kiza, alias champion, expert dans le domaine de l'éducation physique, en même temps entraîneur de gym tonic. La femme enceinte peut faire le sport parce que c'est mieux pour sa santé. Elle peut pratiquer d'abord la natation, elle peut pratiquer le jogging, la marche et aussi la gym tonic parce qu'il y a ce qu'on appelle gymnastique prénatale, donc elle peut faire ça. Ce dernier fait savoir qu'une femme enceinte peut faire le sport au moins 150 minutes par semaine. Elle peut faire 150 minutes par semaine, mais elle peut faire aussi par jour 30 à 35 minutes. Elle peut faire 3 à 4 fois par semaine. L'augmentation de la force, d'endurance et la flexibilité sont certains avantages pour les femmes enceintes qui font le sport. Les avantages sont nombreux, mais je peux citer quelques-uns. Il y a l'augmentation de la capacité physique. Il y a aussi l'augmentation de la force et de l'endurance. Il y a aussi la capacité aérobique. Il y a aussi la flexibilité. Il y a aussi le meilleur contrôle du poids. Et aussi la diminution des mal du dos. Eric Emmanuel Kiza précise qu'une femme enceinte qui ne pratique pas le sport peut subir certaines conséquences liées à la circulation sanguine. Les conséquences, je dirais qu'il y a un manque aussi d'augmentation, il y a aussi un manque d'endurance, il y a aussi le manque de la circulation sanguine, parce que aussi j'ai une expérience des profs béninois qui m'ont enseigné, donc ils ont écrit sur les femmes enceintes qui font le sport, et puis ils ont fait des recherches aussi sur les femmes qui font des travaux champêtres. Ils ont aussi fait des recherches sur des femmes sédentaires. Une femme sédentaire, c'est une femme qui ne pratique pas du sport. Pour les femmes sédentaires, ils ont des chances de 10 à 15% pendant l'accouchement. Les chances sont diminuées. Dans la prochaine chronique sportive, Eric Emmanuel Kiza expliquera l'importance de faire le sport pour les personnes les plus âgées. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Koubguimana pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.